travers les rideaux de sa chambre, le premier jour de l'année éclaire tristement Marguerite endormie. Gaston, assoupi dans un fauteuil au coin du feu, s'éveille lentement. Lénine, donne-moi à boire. Voilà. Il est là. C'est moi, Gaston. Oh. Comment vous trouvez-vous dans ma chambre? Bois d'abord, tu le sauras après. Où est Lénine? Où est-elle? Elle dort. Quand je suis venu sur les 11 heures du soir pour savoir de tes nouvelles, la pauvre fille tombait de fatigue. Moi, au contraire, j'étais tout éveillée. Dormais déjà. Alors je lui ai dit d'aller se coucher et je me suis mis là, sur le canapé, près du feu, où j'ai fort bien passé la nuit. Et toi, comment te sens-tu ce matin? Dieu merci. À quoi bon fatiguer ainsi? Oh, je passe assez de nuit au bal. Moi, j'en passerai quelques-unes à veiller une malade. Et puis, j'avais quelque chose à te dire. Tu es gêné. Oh. Oui, tu as besoin d'argent. Quand je suis venu hier, j'ai vu un huissier dans le salon. J'ai mis à la porte en le payant, mais ce n'est pas tout, il n'y a pas d'argent ici, il faut qu'il y en ait. Moi, tu sais, je n'en ai pas beaucoup. J'ai perdu pas mal au jeu, puis j'ai fait un tas d'emplettes inutiles pour le premier jour de l'an. Mais enfin, voilà, toujours 25 louis que je mets là. Maintenant, sais-tu ce que nous allons faire? Dites. Il fait un temps superbe. Tu as dormi 8 bonnes heures, tu vas dormir encore un peu. Et de 1 heure à 3 heures, il fera un beau soleil. Alors je viendrai te prendre, tu t'envelopperas bien, et nous irons nous promener en voiture. Jusque-là, je vais aller voir ma mère, qui va me recevoir, Dieu sait comment, il y a plus de 15 jours que je ne l'ai vue. Alors, je déjeune avec elle, et à 1 heure, je suis ici. Ça te va-t-il? Je tâcherai d'avoir la force. Mais tu l'auras, voyons, tu l'auras. Entrez, Nanine, entrez, Marguerite est réveillée. Oh... Ma pauvre Nanine, tu étais donc si fatiguée. Un peu, madame. Donne un peu de jour, je voudrais me lever. Oui, madame. Oh, madame, voici la voiture du docteur. Ce bon docteur. Sa première visite est toujours pour moi. Gaston. Oui. Ouvrez-lui la porte en vous en allant. À tantôt. Et merci. Nanine, madame. Aide-moi à me lever. Oh non, madame. Si, si, je vais me lever. Aide-moi. Oh, madame. Il ne faut pas me gronder, docteur. Que c'est aimable à vous de venir me voir ainsi dès le matin. Merci. Nanine. Madame. Va voir s'il y a des lettres. Oui. Donnez-moi votre main. Comment vous sentez-vous? Mal. Mal de corps, mais mieux d'esprit. Hier au soir, j'ai tellement peur de la mort que j'ai fait chercher un prêtre. J'étais triste. J'étais désespérée. J'avais si peur de mourir. Et puis cet homme est venu, il a parlé 1 heure avec moi, et désespoir, terreur, remords, il a tout emporté avec lui. Alors je me suis endormie, et je viens de me réveiller. Et tout va bien. Je vous promets une entière guérison pour les premiers jours du printemps. Merci, docteur. Oh, votre devoir de me parler ainsi. Quand Dieu a dit que le mensonge serait un péché, il a fait une exception pour les médecins. Il leur a permis de mentir autant de fois par jour qu'ils verraient malade. Qu'est-ce que tu apportes là, Nanine? Madame, ce sont des cadeaux. Des cadeaux? Ah, oui. Oui, c'est aujourd'hui le 1er janvier. Que de chaud depuis l'année dernière. Et c'est tout ce que tu m'apportes, Nanine? Il y a aussi une lettre, madame. Tu as une lettre? Tu ne dis pas, donne! De Michel. Elle se marie aujourd'hui. Elle me demande d'assister à la cérémonie qui a lieu à 9h ce matin à l'église de la Madeleine. Cette petite Michel, elle est heureuse. Il y aura donc du bonheur pour tout le monde, excepté pour moi. Docteur, donnez-moi de quoi elle écrit. Et bien, docteur. mal. Ayez la gentillesse, docteur, en vous en allant, de déposer cette lettre avec lui sous ce barbichet. Mais recommandez bien qu'on ne lui remette qu'après la cérémonie. Comprenez pour ne pas la prier. Docteur, la lettre pour la suite, après la cérémonie seulement. Oui. Au revoir, madame. Et à bientôt. Annie, madame, maintenant mets un peu d'ordre dans cette chambre. Oui, madame. On a sonné, Nanine, va ouvrir. C'est madame Duvernoy qui voudrait voir madame. Ah, quelle lampe. Eh bien, ma chère Marguerite, comment allez-vous ce matin? Mieux, prudente. Renvoyez donc Nanine un instant. J'ai à vous parler, à vous seule. Nanine, Nanine, va ranger à côté. Mm. Je t'appellerai si j'ai besoin de toi, va. Oh, j'ai un grand service à vous demander, ma chère Marguerite. Dites. Êtes-vous en fond? Vous savez, je suis un peu gênée depuis quelque temps, mais enfin, dites toujours. Eh bien, voilà, c'est aujourd'hui le premier de l'an. Et j'ai des cadeaux à faire. Il me faudrait absolument 200 francs. Pouvez-vous me les prêter jusqu'à la fin du mois? La fin du mois? Si cela vous gêne! C'est-à-dire, j'avais un peu besoin de cet argent qui est là. Oh, alors n'en parlons plus! Prudence! Prudence, écoutez. Regardez là sur la petite table. Doit-être. Combien y a-t-il? 500 francs. Alors prenez ce dont vous avez besoin. Mais vous aurez assez du reste? Mais oui. Ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai ce qu'il me faut. Ah, eh bien, vous me rendez un véritable service. Tant mieux, Prudence. Alors je vous laisse. Je reviendrai vous voir bientôt. Vous avez meilleure mine. En effet, je vais mieux. Merci encore une fois. Et l'air de la campagne achèvera votre guérison. Les bonjours vont bientôt. Les beaux jours vont bientôt revenir. Madame. Madame, vous vous sentez mieux aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Promettez-moi d'être calme. Pourquoi? J'ai voulu vous prévenir, une joie trop brusque est si difficile à supporter. Une joie, dis-tu? Oui. Ah, maman. C'est toi. C'est toi, mon amour. C'est moi, Marguerite. C'est moi, si repentant, si inquiet, si coupable que je n'osais franchir le seuil de cette porte. Si je n'avais rencontré Nanine, je serais resté dans la rue. Mon père m'a tout écrit. Marguerite, dis-moi que tu nous pardonnes à tous deux. Te pardonner? Moi seul étais coupable. Mais je voulais ton bonheur, même au dépens du mien. Mais maintenant ton père ne nous séparera plus, n'est-ce pas? Oh non, ne me regarde pas. Ce n'est plus ta Marguerite d'autrefois que tu retrouves. Mais je redeviendrai belle puisque je vais être heureuse, puisque tu es là. Écoute Marguerite, nous avons à l'instant même quitté cette maison. Nous ne reverrons jamais Paris. Mon père sait qui tu es, ma sœur est mariée, l'avenir est à nous. Oh, parle-moi. Parle-moi. Je sens ma vie qui renaît sous ton souffle. Ah, mais je ne disais bien qu'une seule chose pouvait me guérir, et je ne l'espérais plus, et tu es là. Tu ne sais pas? Nichette se marie ce matin. Nous allons aller à l'église. Si, ça nous fera du bien de prier Dieu et d'assister au bonheur des autres. Ah, Nanine, Nanine, donne-moi ce qu'il me faut pour sortir. Oui, vite. Madame. Bonne Nanine. Vous avez eu bien soin d'elle. Tous les jours, nous parlions de toi, toutes les deux. Car personne n'osait plus me parler de toi. Elle seule, elle me consolait. Elle me promettait que tu reviendrais. Elle ne mentait pas, ma bonne Nanine. Tu as vu de beaux pays. Tu m'y conduiras. Qu'as-tu, oh. Marguerite? Oh. Non, ne t'inquiète pas. Ah, c'est le bonheur. Marguerite. Non. Parle-moi, Marguerite, je t'en supplie. Oh, non. Janine, donne-moi ce qu'il me faut pour sortir. Et si je peux, je peux très bien. Tu verras, je suis forte. Oh. Je ne peux pas. Janine, vous pouvez chercher le médecin. Janine, dis-lui qu'Armand est revenu. Dis-lui que je veux vivre. Qu'il faut que je vive. Si ton retour ne m'a pas sauvé, plus rien ne me sauvera. Écoute, Marguerite, ne me parle pas ainsi. Je ne dis plus que tu vas mourir. Dis-moi que tu ne le crois pas, que cela ne peut pas être, que tu ne le veux pas. Dieu le veut. Et crois-moi, Dieu fait bien ce qu'il fait. Moi, vivante, il y aurait toujours eu des taches sur notre amour. Moi, morte, tout ce que tu garderas de moi sera pur. Ne pleure pas. Ne pleure pas, mon amour, écoute-moi. Tu prendras ce médaillon. C'est mon portrait du temps que j'étais jolie. Je l'avais fait faire pour toi. Garde-le, il aidera ta mémoire. Et si un jour une belle jeune fille t'aime et que tu l'épouses, comme cela doit être, comme je veux que cela soit, si elle te demande quel est ce portrait, tu lui diras que c'est celui d'une amie qui prie Dieu tous les jours pour elle et pour toi. Et si elle est jalouse du passé, comme nous le sommes souvent, nous autres femmes, si elle te demande le sacrifice de ce portrait, fais-le-lui, sans crainte, sans remords. Ce sera juste. Je te pardonne d'abord. Qui est là? Qui est-ce? Madame, c'est Nichette et Gustave. Nichette. Oh, c'est Nichette qui est venue me voir. Et Gustave. Vous voilà donc mariés. Oui, bah. Vous verrez, vous serez beaucoup plus heureux qu'auparavant. Vous ne m'oublierez pas, n'est-ce pas? Vous parlerez de moi, quelquefois. Armand! Ah, tu es là. Tu es là. Oh, ça n'est pas difficile de mourir. Je sens bien. Oh, comme je me sens bien. Oh, mais je vais vivre. Mon amour, je vais... Marguerite. Oh!